Quatrième partie, chapitre 6, la pénitence. Première section, la pénitence en général. Qu'est-ce que le sacrement de pénitence? La pénitence, appelée aussi confession, est le sacrement institué par Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le baptême. Pourquoi donne-t-on à ce sacrement le nom de pénitence? On donne à ce sacrement le nom de pénitence parce que, pour obtenir le pardon des péchés, il est nécessaire de les détester avec repentir et parce que celui qui a commis une faute doit se soumettre à la peine que le prêtre impose. Pourquoi ce sacrement est-il aussi appelé confession? Ce sacrement est aussi appelé confession parce que pour obtenir le pardon des péchés, il ne suffit pas de les détester, mais il est nécessaire de les accuser au prêtre, c'est-à-dire d'en faire la confession. Quand est-ce que Jésus-Christ a institué le sacrement de pénitence? Jésus-Christ a institué le sacrement de pénitence le jour de sa résurrection, quand, entré dans le cénacle, il donna solennellement à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Comment Jésus-Christ donna-t-il à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés? Jésus-Christ donna à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés en soufflant sur eux et en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Les péchés de ceux à qui vous les remettrez seront remis, et les péchés de ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Quelle est la matière du sacrement de pénitence? On distingue pour le sacrement de pénitence la matière éloignée et la matière prochaine. La matière éloignée est constituée par les péchés que le pénitent a commis après le baptême. Et la matière prochaine, ce sont les actes du pénitent, c'est-à-dire la contrition, l'accusation et la satisfaction. Quelle est la forme du sacrement de pénitence? La forme du sacrement de pénitence est celle-ci. Je t'absous de tes péchés. Quel est le ministre du sacrement de pénitence? Le ministre du sacrement de pénitence est le prêtre approuvé par l'évêque pour entendre les confessions. Pourquoi avez-vous dit que le prêtre doit être approuvé par l'évêque? Le prêtre doit être approuvé et autorisé par l'évêque pour entendre les confessions parce que, pour administrer validement ce sacrement, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir d'ordre, mais il est nécessaire d'avoir aussi le pouvoir de juridiction, c'est-à-dire la puissance de juger, qui doit être donnée par l'évêque. Combien y a-t-il de parties dans le sacrement de pénitence? Les parties du sacrement de pénitence sont la contrition, la confession et la satisfaction du pénitent et l'absolution du prêtre. Qu'est-ce que la contrition ou douleur des péchés? La contrition ou douleur des péchés est un déplaisir de l'âme par lequel on déteste les péchés commis et on se propose de n'en plus commettre à l'avenir. Que veut dire le mot contrition? Le mot contrition veut dire broiement, brisement, comme quand une pierre est écrasée et réduite en poussière. Pourquoi donne-t-on le nom de contrition à la douleur des péchés? On donne le nom de contrition à la douleur des péchés pour signifier que le cœur endurci du pécheur est en quelque sorte broyé par la douleur d'avoir offensé Dieu. En quoi consiste la confession des péchés? La confession consiste en une accusation distincte de nos péchés, faite au confesseur pour en recevoir l'absolution et la pénitence. Pourquoi dit-on que la confession est une accusation ? On dit que la confession est une accusation parce qu'elle ne doit pas être un récit indifférent, mais la manifestation vraie et douloureuse de nos péchés. Qu'est-ce que la satisfaction ou pénitence ? La satisfaction ou pénitence est une prière ou une autre bonne œuvre que le confesseur impose au pénitent en expiation de ses péchés. Qu'est-ce que l'absolution ? L'absolution est la sentence que le prêtre prononce au nom de Jésus-Christ pour remettre les péchés au pénitent. Des parties du sacrement de pénitence, quelle est la plus nécessaire ? Des parties du sacrement de pénitence, la plus nécessaire est la contrition, parce que sans elle, on ne peut jamais obtenir le pardon des péchés, et avec elle seule, quand elle est parfaite, on peut obtenir le pardon, pourvu qu'elle soit unie au désir, au moins implicite, de se confesser.